tombèrent dans les prairies, les trompettes de cavalerie. Dans le bois, l'écho les répète, les trompettes, les claires trompettes. Dans la plaine, le vent les nourrit, les trompettes de cavalerie, les trompettes de cavalerie. On vous prend, on vous tond la tête, les trompettes de cavalerie. On vous fout de garde d'écurie, les trompettes, les claires trompettes. On vous engueule comme poisson pourri, les trompettes de cavalerie, les trompettes de cavalerie. Redressez la rampe et la tête, les trompettes de cavalerie. Pour les voir passer, tout s'arrête, les trompettes, les claires trompettes. Les rentiers et les midinettes, les putains, les femmes honnêtes, le pays tout entier les suit, les trompettes de cavalerie, les trompettes de cavalerie. Quand on part mourir pour les patries, je, tu, il, nous, vous, il et lui, les wagons sentent le grésil. Les larmes des femmes s'arrêtent quand sonnent les jolies trompettes, que les trompettes de cavalerie. Quand sonnent les jolies trompettes, que les trompettes de cavalerie. L'ange de la mort a souri sur champ d'ombre et souffre. Un squelette embouche une fière trompette. En crevant salué conscrit, les trompettes, les claires trompettes. En crevant salué conscrit, les trompettes de cavalerie, les trompettes de cavalerie.